Yeah. Losing. 93 more train. Losing. On va les prendre tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. On mix avec un Z pour entrer dans la légende. On va les prendre tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. On mix avec un Z pour entrer dans la légende. Into the night time, tonight this might be the right time. Running from the niggas that fight crime. Onyx, yeah, you heard of it. Throwing stick, them niggas murder shit. Black ball and smikes is what we murder with. Please don't tip me when the nigga pockets hit me. I'ma do some shit, make the whole world resent me. Nigga, give it up before I make the clip empty. Stickin' niggas up in the hoodie by Da Vinci. We with the shits, they don't want no trouble. Stick got the fifth in the Burberry bubble. Got the blueberry push, Henny with the Alizé. Arrête tes blagues, le set débarque comme les phares, la foule étourdie. Je roule un gramme de grappe, tu me connais pas, t'as cru que j'ai tout dit. Simplement par défaut, on joue pas dans la même cour. Si je la regarde de haut, c'est qu'on est pas né dans la même tour. C'était mon frère, j'ai pas compté combien la bête baisse. En fait, t'es qu'un traître comme un condé qui vient de la vraie tête. J'suis venu niquer toutes les mères de France. Tony toxique, genre ma bite, c'est mon fer de lance. Pour tous les enculés, j'me sers de l'encre. En perdre l'essence, je referme les antres, je fais taire les anges, je me garde les gens enculés. Le Z des Onyx, putain de sa mère, c'est légendaire. Beurre et profit, j'allume le terre et j'cogite Rochi comme la queue. On a que de la peuf, ces enfoirés le savent, ils veulent la preuve. Bluff sur bluff, comme un sénateur. Quand j'verra les balles, bluff sur eux. C'est des racistes comme un keuf sur deux. On voulait le Zeyo sans les flashs, on a pu le flash, fumer le pédo. On a laissé les cailles pour les guédros, j'suis pas dans la hype, j'suis dans la night. On va les prendre, tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. Onyx avec un Z pour entrer dans la légende. On va les prendre, tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. Onyx avec un Z pour entrer dans la légende. On va les prendre, tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. Onyx avec un Z pour entrer dans la légende. On va les prendre, tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. Onyx avec un Z pour entrer dans la légende. J'arrive en bombe sur ce feat, j'envoie des bastos gratuites. C'est le X, c'est le Z, c'est le Real de Madrid. Bitch, écarte les jambes comme le Y de New York. Prêt à mourir sur le terrain comme toute l'équipe du Maroc. Ils veulent me piquer car j'ai la rage de sirop. C'est pas du sirop que sirop, ça sent le whisky quand ça rote. J'refuse pas le détail comme Fabio face à un Schmitt. Dis-toi bien que je vais revenir si tu crois que j'ai pris la fuite. Nigga, don't make me knife you, that's what you call savage. Catch me at the hype, rob you in Paris. Come to these bars, nigga, I'm barbaric. Lock 16, let y'all have it. When sticks start spitting, that's when it get problematic. The car built different as hell if I start spazzing. Yet if I start laughing, you a flatline. Autograph your cash. Ça qui est arrivé, le scène, ça danse en dessous des anges. Tu me déranges, y'a comme un doigt sur la gâchette qui me démange. On apprend plus en écoutant qu'en parlant. Je voulais revenir en cours, mais j'ai claqué la porte en partant. Une tension lourde et pesante s'est installée dans cette pièce. Quand je suis dans contrôle, c'est le reste du rap qui régresse. Tu me détestes parce que quand j'arrive, c'est pour tout enculer. Tu couvres les tards comme un poulet qui vient de se faire emplumer. Le sac de l'alphabet, malfamé, mais ne va pas blasphémer. Un blasphémé, le rap est un pointeur à poil sous une blouse fermée. Je m'en bats les couilles de ta soirée, ton DJ Mixman. Je suis j'écoute pas du 6ix9ine, j'écoute du X-Wa. Les écoute pas, ils sont v'là à l'enterre. C'est qui m'a dit, c'est pas mon challenger. On va les prendre, tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. Onyx avec un Z pour entrer dans la légende. On va les prendre, tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. Onyx avec un Z pour entrer dans la légende. On va les prendre, tout ce qu'ils ont, on va leur prendre. Onyx avec un Z pour entrer dans la légende.